Olga arrive à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Elle demande des informations à l'hôtesse d'accueil. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Pour aller à Paris, s'il vous plaît. Où, à Paris? À l'hôtel Saint-Honoré. Il y a des taxis porte 3 et le RER porte 7. Le taxi, c'est bien. Combien ça coûte? Ça coûte 45 euros. Merci, madame. Je vous en prie, mademoiselle. Et bienvenue à Paris. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle.